Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Pierre Boucher, fier colonisateur et ambassadeur de la Nouvelle-France auprès de Louis XIV. Pour moi, Pierre Boucher, c'est l'histoire, un peu l'histoire de la Nouvelle-France. Il faut lire sa vie. C'est pas dans une minute que je vais vous dire que Pierre Boucher, c'est un grand homme. C'était pas ça. Mais je peux vous dire que c'était un brave défenseur de la colonie. Un habile administrateur. Un véritable colonisateur. Pierre Boucher, figure incontournable de l'histoire de la Nouvelle-France, nous dit ici son descendant Fleurimont Boucher de la Bruyère à l'émission de Village en Village en 1991. Pierre Boucher sera à la fois cet homme qui combattra les Iroquois à Trois-Rivières et celui que le gouverneur Pierre Dubois d'Auvaugour enverra comme émissaire à la cour de Louis XIV en 1661. L'importance de Pierre Boucher est si grande que certains historiens diront même qu'il a en quelque sorte sauvé la Nouvelle-France. Sortis de nulle part, les Iroquois frappaient quotidiennement. La liste des martyrs s'allongea. Guillaume Boissier, Bernard Berthet, Pierre Laforêt, Guillaume Lebeau, Pierre Bigot, Mathurin Bonenfant, Catherine Mercier qui fut torturée, Léonard Lucot, Denis Archambault, Augustin Hébert, André David, Étienne Thibault. Pierre Boucher a amené le régiment de Carignan ici. C'était un nouveau régiment. Et ça a sauvé notre colonie. Les gens étaient découragés. Les femmes, les hommes se faisaient scalper dans leurs champs. Imaginez-vous, là, des jeunes familles avec 5, 6, 7, 8, 10 enfants. Ils ne savaient même pas s'ils étaient capables de survivre dans notre petite colonie. On oublie ça. Extrait du documentaire de Denis Arcand, Les Montréalistes, réalisé en 1965, suivi du témoignage, celui que vous venez d'entendre, de Charles Desmarteaux, en 2011, de l'association Perche Canada. La Nouvelle-France que connaîtra Pierre Boucher, c'est d'abord celle de cette cruelle guerre contre les Iroquois qu'évoquent ces deux extraits qu'on vient d'entendre. Pour nous parler de cette figure importante, de la figure de Pierre Boucher, l'historien professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord, Éric, de ce contexte, de cette Nouvelle-France que connaîtra justement Pierre Boucher. Comment décrire cette nouvelle France du milieu du 17e siècle? Exactement. Alors, il y a des moments tournants dans l'histoire, parfois, et il y a des points tournants. On a l'impression que tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et autour de 1660, plusieurs prédisaient que ça n'allait pas fonctionner, l'expérience de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce que, d'abord, on avait les gens étaient terrorisés. En 1649, les Hurons, le peuple allié donc des Français de la région des Grands Lacs, grand partenaire de commerce, avaient été plus ou moins exterminés par les ennemis iroquois. Les survivants s'étaient dispersés parfois à l'ouest. Certains étaient venus chercher refuge dans la vallée du Saint-Laurent. C'est à peu près cette période-là qu'est née la fameuse le village des Hurons Wendat. C'est dans la foulée de la fuite de ces refuges. Et donc, après cette hécatombe, on va assister à des attaques incessantes tout au long des années 1650. Les Iroquois vont se tourner vers le Canada, après s'en être pris aux Hurons des Grands Lacs, ils vont se tourner vers le Canada, vont se tourner vers la vallée du Saint-Laurent, et ils vont attaquer à peu près toutes les régions de la vallée du Saint-Laurent, jusqu'au sud de Sorel. Montréal, donc, est particulièrement visée, une petite bourgade qui a été fondée en 1642 par une poignée de mystiques, les Montréalistes. En 1651, une cinquantaine d'Iroquois vont attaquer Ville-Marie. En juillet, Lambert-Clos et quelques Montréalistes vont repousser d'autres attaques. 1653, même chose. La période est tellement critique qu'on va détourner les fonds qui étaient prévus pour l'Hôtel-Dieu pour aller chercher de nouveaux colons parce qu'on a... On a l'impression que c'en est presque terminé. Paul Chomedey de Maisonneuve est presque découragé. Il songe à abandonner. Et c'est cruel. On l'entendait dans le petit extrait au début de l'émission, mais on parle carrément parfois de massacre. C'est comme ça que ça se passe. Pas parfois, c'est presque toujours. C'est toujours des attaques surprises. Oui. Les Iroquois sont cachés. Les gens sortent pour parfois cultiver leurs champs, leurs potagers, sont attaqués très brutalement. Ces massacres terrorisent les gens. Oui. C'est rapporté par toutes les relations des années 1650. Il va y avoir une petite période d'accalmie autour de 1657, puis ça reprend. Mmh. Ça reprend. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'aura lieu cette fameuse expédition de Dollard des Ormeaux, hein, qui est un peu un sujet de controverse historiographique depuis quelques décennies. On ne sait pas trop quelles étaient les intentions de Dollard des Ormeaux, mais chose certaine. Ce qui appartient au mythe, ce qui appartient à la réalité. Il va aller à Lonceau pour essayer de stopper un convoi. Bon. Mais toujours est-il que ce climat d'affrontement rend la colonie très, très peu attrayante. Et sauf quelques aventuriers, on pense à Radisson et de Groseilliers, plus personne n'ose s'aventurer au-delà de Montréal. Les finances de la colonie sont vraiment très, très, très mal en point. Il y a aussi des rumeurs de corruption qui parviennent à la cour et aux responsables de la Compagnie des Sans-Associés. Donc, on dépêche un enquêteur en 1660, un certain Jean Perron Duménil. Il va débarquer le 7 septembre, mais son fils va être assassiné l'année suivante. Donc, ça vous donne un peu le climat de désordre, de peur, de crainte. Plus rien ne va là, dans cette colonie de la Nouvelle-France en 1660. Un climat vraiment, vraiment intenable. Il y a un gouverneur, un nouveau gouverneur qui va arriver, qui voit tout ça, Éric, et qui se dit ça peut pas durer, là. Exactement. Alors, il y a un nouveau gouverneur qui s'appelle Pierre Dubois, baron de Davaugour, qui débarque ici donc le 31 août 1661. Il fait une enquête assez approfondie de ce qui se passe dans la colonie. Il sait que une de ses préoccupations principales qui vient de la compagnie, qui l'a dépêché notamment, la compagnie encore là, des sans-associés, qui est gérée par des habitants de la colonie, c'est qu'il faut débloquer le commerce. Hein. Il faut rassurer la population, il faut aussi attirer des nouveaux colons, notamment des femmes. Il faut aussi absolument que l'État français s'engage. Il faut que le pouvoir s'engage, débloque des moyens, envoie des troupes, idéalement. Alors, mais comment les convaincre? Ouais. Hein? Comment faire pencher la balance en faveur de la Nouvelle-France? Il y a un lobby jésuite qui s'active, mais à part le fait d'avoir fait nommer François de Laval en 1659, vicaire apostolique, ce lobby jésuite a une influence quand même limitée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va se tourner vers un personnage, c'est celui qui est l'objet de notre émission d'aujourd'hui, Pierre Boucher. Ouais. Pourquoi ce nouveau gouverneur choisit Pierre Boucher? Pierre comme Boucher, émissaire à la cour de Louis XIV. Oui, absolument. Alors, Pierre Boucher, c'est un personnage qui est né en France. C'est pas un Canadien, proprement dit, né en colonie. Il est né en France. Il arrive ici avec sa famille. Il a, en 1635, il a 13 ans. Il va faire partie de ces cohortes de colons qui arrivent avec les cohortes d'un certain Robert Giffard, là, qui était vraiment quelqu'un de très, très dédié à la cause de la colonisation, qui faisait venir des colons de la région du Perche, sa région d'origine. Il va donc grandir à Québec. Il va séjourner 4 ans dans une mission jésuite en Huronie. Ça le rend très, très rare. Il va être un peu de ces personnages, un peu comme Étienne Brûlé, une sorte de truchement, quelqu'un qui va être une interface entre les peuples amérindiens, dans le cas-ci, les Hurons. Il connaît cette culture. Il connaît cette culture. Il va même épouser une Iroquoise convertie qui va mourir en couche, malheureusement. Donc, il va épouser une autre femme en 1652. Donc, il connaît bien les cultures amérindiennes. Il apprend la langue et... par la suite, il va aller vivre à Trois-Rivières. Hein. Il s'installe à la fin des années 1640 à Trois-Rivières. Il va au départ un simple commis de magasin de la ville. Et par la suite, il va vraiment se distinguer comme capitaine de milice, comme défenseur de la nouvelle petite ville bourgade de Trois-Rivières. Mm-hmm. Et il y aura notamment des attaques extrêmement violentes en 1652-1653. Voilà, et ça c'est vraiment un fait d'armes pour lui. Ça va être un tournant. On écoute tout de suite un extrait d'entrevue, à nouveau le descendant de Boucher, Florimond Boucher de la Bruyère, qui nous parle de cette bataille cruciale de 1653. Pierre Boucher a pris part à presque tous les principaux combats. Et c'est illustré tout particulièrement en 1653, lorsqu'il défendit Trois-Rivières, qui était attaqué par environ 600 Iroquois. Cette victoire lui valut de sauver la colonie sauver la colonie, dit son descendant. Rien de moins. Ouais. Ben, mais dans les faits, est-ce que ça va aussi loin que ça? En tout cas, quelle est l'importance? C'est très important. C'est-à-dire qu'en 1652, l'année précédente, il y a une attaque des Iroquois sur Trois-Rivières. 22 colons seront massacrés, dont le gouverneur de Trois-Rivières. Quand je dis le gouverneur de Trois-Rivières, on se comprend. Là, c'est pas beaucoup de monde. C'est quelques familles qui vivent là. Et l'année suivante, donc le 26 août 1653, nouvelle attaque, ouais. Mais cette fois-ci beaucoup plus importante, 600 Iroquois en effet. C'est ce qui est rapporté en tout cas, est-ce que c'est gonflé un peu par Pierre Boucher lui-même dans ses mémoires, mais c'est rapporté dans les relations de l'époque. 600 Iroquois attaquent contre, on se comprend là, 40 colons qui tiennent bon, qui sont complètement assiégés par ces troupes. Et qui tiennent quoi, 9 jours? Et qui tiennent plusieurs jours, ouais. Et à la suite de quoi, Pierre Boucher va aller négocier dans la langue de l'ennemi, dans ce cas-ci, et va finalement réussir à s'entendre, puisque les Iroquois voient bien que ces gens-là sont vraiment décidés, qu'ils vont pas se rendre. Et pour l'anecdote, moi, ce que j'ai lu en préparant l'émission, c'est qu'il sort seul négocier. Oui, pour préserver la vie des autres colons. Et pour ne pas que ces Iroquois comprennent tout à coup qu'ils sont une poignée, une quarantaine. Oui, exactement. C'est fou. Alors, c'est très stratégique, ouais. c'est très astucieux, et il réussit finalement à obtenir gain de cause. Les Iroquois vont rendre les prisonniers. Alors, il a une sorte d'auréole, et par la suite, il devient donc le gouverneur de ouais. Trois-Rivières. Ça lui donne beaucoup, beaucoup d'ascendants sur la colonie, que cette victoire et que ce style, que cette façon aussi de parler aux Amérindiens, cette capacité à parler aux Amérindiens. Donc, c'est lui. C'est lui que Davangour va choisir. Pour toutes ces raisons, là, il comprend bien que c'est quelqu'un du pays, qu'il a combattu les Iroquois, qu'il connaît la culture amérindienne. Et qui s'identifie aussi au sort de la Nouvelle-France. Et qui va être crédible, au fond, quand donc, il va débarquer. Exactement. C'est un personnage très crédible. C'est un personnage qui est issu de la colonie, mais qui n'est pas né non plus dans la colonie. Au début, il est très surpris de cette demande du gouverneur. Il dit, mais écoutez, moi, j'ai pas les manières de la cour. Il est assez hésitant. En tout cas, c'est ce qu'il rapporte dans ses mémoires. Écrit vers 1695 et puis rendu public, disons, après sa mort. Et finalement, il y va. Alors, il hésite donc d'accepter, mais il y va. Il se prête au jeu. Il s'embarque, il embarque le 22 octobre 1661. Mmh. Il revient, il reprend le bateau le 15 juillet 1662 à La Rochelle. Et donc, il va presque passer un an oui. en France pour essayer de faire valoir la cause de la Nouvelle-France. Et à quoi ressemble cette France dans laquelle il débarque, Éric? Ça s'appelle arriver au bon moment. Ouais. Il arrive vraiment dans un bon contexte. Il peut pas le savoir, mais il arrive dans un excellent contexte. D'abord, un contexte où la France est en paix. Elle a signé en 1659 la paix des Pyrénées. Elle n'est plus en guerre contre son ennemi héréditaire des Habsbourg, mais surtout son ennemi espagnol qui la menace autant à ses frontières du nord que du sud, mais aussi à l'intérieur, puisque les Espagnols avaient longtemps soutenu un groupe là de catholiques très très fervents, et ça semait la bagaille dans le royaume. Il y a une paix. D'ailleurs, Louis XIV va épouser une Espagnole. Il va renoncer à un grand amour, d'ailleurs, avec ce choix. Il arrive sur le trône. Officiellement, il prend les rênes. Il est déjà roi quand Pierre ouais. Boucher débarque. Mais le 9 mars 61, Mazarin, son mentor, qui avait assuré un peu l'intérim pendant qu'il était trop jeune, il meurt. Donc, il est vraiment au gouvernement. Ouais. Il tient les rênes. Ajouter à ça un autre élément important, celui qui est l'homme fort du nouveau régime de Louis XIV, même s'il n'est pas premier ministre, c'est Jean-Baptiste Colbert. Ouais. Colbert a dégommé un vis-à-vis, un opposant, qui était Fouquet, qui était un peu le surintendant des finances. Louis XIV est très insulté, tout ça est célèbre, Fouquet l'invite, et puis il est très insulté parce qu'il y a trop de faste, et donc il le fait emprisonner. Et donc Colbert a la main haute, et Colbert c'est un homme qui veut absolument que l'Empire joue un rôle plus important et donc mise beaucoup sur les colonies. Donc les astres sont très très bien alignés pour Pierre Boucher. Il trouve face à lui des hommes qui sont très bien disposés à l'écouter. Il est d'ailleurs très bien perçu, il est écouté. Colbert va l'encourager fortement à coucher sur papier toutes ses considérations sur la Nouvelle-France. Je me permets de le citer dans ses mémoires. J'eus l'honneur, parce que c'est très bref, hein? On ne sait pas beaucoup de choses sur cette audience. Malgré l'année complète qu'il passe, ou à peu près, ouais. qu'il passe à Paris, on sait peu de choses. On sait peu de choses, en fait. On aimerait en savoir plus sur comment ça s'est passé, ouais. Qui l'a reçu. Ouais. Il écrit sur son audience avec Louis XIV, le jeune Louis XIV, j'eus l'honneur de parler au roi qui m'interrogea sur l'état du pays dont je lui rendis fidèle compte. Sa Majesté me promit qu'elle secourrait le pays et le prendrait sous sa protection, ce qu'elle a fait. Elle m'accorda les deux vaisseaux pour passer gratis tous ceux qui voudraient aller en Canada, et de plus, 100 soldats et des vivres pour 200, parce que M. d'Avangour en avait déjà mené 100 l'année précédente. Donc, en gros, il obtient ce qu'il veut, mais surtout, il fait connaître la colonie, il la fait connaître de l'intérieur, et ça fascine les gens de la cour. En fait, c'est le début, même si ça dure une année, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais c'est une première prise de contact, mais ça se poursuit. Ces représentations, le canal est ouvert, Colbert l'a rencontré, même le roi, donc, et là, il va revenir en Nouvelle-France et s'attabler, écrire une espèce de rapport, au fond, un portrait de la colonie et son destinataire principal. Il écrit ça pour Colbert. Oui, exactement. C'est un document unique. Il y a eu, évidemment, des écrits. Il y a un sulpicien qui va écrire un peu l'histoire du début de Montréal. Il va avoir Marie Morin, plus tard, qui va écrire les annales de l'histoire de Montréal aussi. Mais cette histoire véritable et naturelle de Nouvelle-France, qu'il publie donc en 1664 et qui est destiné à Jean-Baptiste Colbert, c'est un document exceptionnel pour comprendre la perception qu'on avait alors de la colonie. Oui. C'est pas vraiment une histoire, hein, c'est plutôt une description de ce qu'est la Nouvelle-France à l'époque, ou comme il le dit lui-même, un abrégé sur ce qu'est vraiment cette colonie. C'est un récit évidemment colonialiste, comme le dit l'historien Thomas Vine, qui, parce que ça vient d'être réédité chez deux éditeurs presque en même temps, ce récit. Et l'historien Thomas Vine parle bien d'un récit colonialiste, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on souhaite attirer la sympathie de la cour pour la colonie et éventuellement attirer des colons. C'est un mémoire, au fond, qu'on déposerait à la cour. Exactement. Ouais. C'est un mémoire, c'est un plaidoyer en faveur de la colonie où on vante les richesses de la colonie. Alors, Champlain, de son vivant, avait fait la même chose, mais là, c'est comme une mise à jour. Donc, les forêts, on évoque, hein, Pierre Boucher parle de ces arbres fruitiers extraordinaires, riches en poissons, et il nomme les poissons qu'on voit en Nouvelle-France, qui sont exotiques pour la cour de France, les animaux exotiques, hein, l'orignal, le caribou, l'ours, le porc-épic, même les bêtes puantes, il parle aussi des maringouins, qui sont absolument insupportables, mais il dit, il y a deux choses dangereuses en Nouvelle-France, c'est les Iroquois et les maringouins. Ensuite, il fait un portrait assez nuancé, somme toute. Évidemment, les ennemis, c'est les Iroquois, mais il fait un portrait assez nuancé des Amérindiens. Il distingue les Algonquins, errants, des Hurons Iroquois plus sédentaires déjà. Hein, il voit bien cette distinction. Il va évoquer leurs mœurs plus égalitaires, l'absence de châtiment corporel envers les enfants, ça le frappe, le rapport trouble à l'alcool, la possibilité aussi pour eux de se divorcer, ça, peut-être ça l'impressionnait, leurs croyances superstitieuses, leur bon sens commun, leur hospitalité. Mais, en même temps, il dit, ils sont naturellement timides, cruels, dissimulés, complaisants, ingrats, surtout les Algonquins, hardis demandeurs. Mais le plus grand mal que j'y vois, c'est qu'ils sont extrêmement vindicatifs et garderont 20 ans le dessein de se venger sans le faire paraître. Cependant, cherchent toujours l'occasion d'avoir quelques prétextes qui les mettent à couvert. Ouais. Donc, c'est comme s'ils disaient, sont un peu hypocrites. mais ça, c'est un homme du 17e siècle qui parle. Il vante aussi les qualités humaines, les qualités des nouveaux colons. Il défait cette rumeur déjà qui court en France que les femmes de la Nouvelle-France seraient des prostituées. Il dit que c'est faux. Cette rumeur-là va perdurer malgré tout. Il dit l'air y est extrêmement sain en tout temps, mais surtout l'hiver, on voit rarement de malades en ce pays. Alors, le message, Éric, c'est croyez en nous, soutenez-nous, faites quelque chose. On revient au contexte de 1660, il faut que la France nous soutienne, et ça va marcher. Ça va marcher, évidemment, ça tient peut-être pas à un seul homme, même si cet homme était très convaincant et qui l'a certainement séduit les gens de la cour. Ça va marcher puisque dans les années qui vont suivre, il y a au moins trois grandes décisions qui vont être bénéfiques pour la Nouvelle-France. D'abord, d'envoyer le régiment Carignan-Salière, qui va vraiment apaiser la colonie pour plusieurs décennies. Les troupes vont recommencer dans les années 1680, mais pendant quelques décennies, ça va se calmer. Oui. Régiment Carignan-Salière qui vont vraiment faire peur aux Iroquois, vont calmer le jeu. Ensuite, évidemment, fait très important, l'envoi des filles à marier. Ça commence en 1663, ça va se poursuivre jusqu'en 1673. Ensuite, une réforme importante de l'administration de la colonie, qui n'est plus uniquement sous tutelle d'une compagnie, mais qui va devenir une véritable colonie royale, avec un gouverneur, un intendant, et justement, un intendant très important débarque en 1665, c'est Jean Talon, un homme vraiment très dédié, très dévoué, assez exceptionnel. Il va tenter de diversifier la colonie de la Nouvelle-France à l'époque. Un héritage visage vraiment concret, une vraie charnière. Oui, et c'est Boucher qui est le maître d'œuvre de tout ça en bonne partie. Ça nous amène, il va vivre très très vieux, Pierre Boucher. Tout ça, c'est déjà pas mal d'histoire et de la grande histoire. Et comment? Va suivre une petite cinquantaine d'années, parce qu'il vit très vieux, où il décide, lui, carrément de changer de vie. Il quitte Trois-Rivières. Oui. Et il développe sa seigneurie, la seigneurie de Boucherville, avec une espèce de rêve d'en faire une seigneurie exemplaire. On écoute à nouveau son descendant, Fleurimont Boucher-Labruyère, à l'émission de Village en Village en 1991. Pierre Boucher a décidé de se démettre de ses fonctions de gouverneur de Trois-Rivières et d'aller s'établir sur sa seigneurie des îles Percées de Boucherville. À partir de ce moment, la grande histoire cesse de parler de lui. Les 50 années qu'il passe à Boucherville sont, selon certains historiens, la période la plus riche et la plus fructueuse de sa carrière. Dès 1667, lui et ses colons judicieusement choisis à Trois-Rivières sont à l'œuvre. Et dans l'espace de 15 ans, sa seigneurie est la plus prospère de la colonie. Alors, Éric Bédard, quel est donc ce fameux projet de Pierre Boucher avec cette seigneurie exemplaire qu'il veut faire à Boucherville? Ben, écoutez, quasiment tout a été dit. Mais en effet, ce qui est frappant dans le cas d'abord de Pierre Boucher, c'est sa longévité. Il va mourir en 1717 à 94 ans, vous imaginez. Et lui, oui, il a un rêve. C'est que il sélectionne ses censitaires. C'est-à-dire qu'il hérite donc d'une seigneurie, il est anobli. Ce voyage, plus ses prouesses militaires en font un personnage clé de la colonie. Et on lui donne un peu pour le récompenser une grande seigneurie. Mais il veut vraiment que cette seigneurie soit un modèle de développement pour la colonie. Et comme il a décrit avec beaucoup de minutie les richesses de cette colonie, il veut les faire profiter, les faire fructifier. Et donc, il va sélectionner de bons censitaires, parce que c'était un peu le rôle des seigneurs que de faire habiter, hein, de, d'occuper leur seigneurie. C'était pas tout de... Et donc, il va les choisir minutieusement, comme il l'a bien dit. On connaît cette rencontre du 4 avril 1673. Il va réunir au manoir seigneurial 37 censitaires. Il va leur donner des consignes très claires. Et ça deviendra, en effet, une seigneurie très prospère. Faut dire que les terres étaient bonnes et qui va développer toutes sortes de... Enfin, qui va tenter au plus possible de diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Éric Bédard, historien à la télé, collaborateur régulier à l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.